Je suis petit et moi plus grand. Je suis noir et moi tout blanc. Je suis jeune et moi plus vieux. Moi je suis triste et moi heureux. On est tous différents. On trouve ça plutôt marrant. On est tous différents. C'est ça qui est intéressant. Je suis maigre et moi plus gros. Je suis malin et moi idiot. Je suis grincheux et moi content. Moi je suis pauvre et moi j'ai plein d'argent. On est tous différents. On trouve ça plutôt marrant. On est tous différents. C'est ça qui est intéressant. On parlera tous la même langue. C'est pas la faute à chaque langue. How are you, my friend? Good day. It's time again. Me and me. On est tous différents. On trouve ça plutôt marrant. On est tous différents. Ça qui est intéressant. Différent n'est pas si tard. Le jugement des autres, y'en a marre. Tout le monde a le droit à décider. Il faudrait pas l'oublier. On est tous différents. On trouve ça plutôt marrant. On est tous différents. C'est ça qui est intéressant. Toi qui passes par mon campus, deux minutes pour taper bœuf, rajouter ta propre morale durant le temps du festival. Papala et papala.